Le temps passe, passe, devant lui tout s'efface, face. Comme un tour de passe, passe, sous la fumée d'une taf, taf. Je me rappelle de mes gaffes, mes tasses, mes taf et mes races. Et même si le temps passe et s'efface, il laisse des traces. Des souvenirs, des phrases, du bonheur et de la rage. Dérape sur le fil de ma vie, fait de virages. Dans ce roman qui est ma vie, un peu trop vite se tournent les pages. Mon futur est comme un mirage de l'autre côté du rivage. Impossible à atteindre, impossible à attendre. Trop de choses à craindre, la vie n'a pas fait de moi un tendre. Le temps désenchante et fait changer les gens. C'est affligeant comme quand t'apprends qu'un pote se shoot alors que moi je chante. De la chance et de la conscience, on n'en a pas tous autant. Le temps passe trop vite et j'ai déjà fait le quart de mon temps. Heureusement l'amour et l'amitié resteront indélébiles. Le temps teste nos sentiments et m'éloigne des débiles. En effet maintenant je peux dire que j'ai un cercle d'amis parfaits. Et que quoi qu'il advienne, rien ne pourra jamais le casser. Jamais je reviendrai en arrière, même si c'était à refaire. Si tu kiffes pas tes clics, t'écoutes pas et tu la fermes. Le temps passe trop vite, déjà 14 ans que j'habite ici. Né dans le 9-3, j'étais un jeune de banlieue comme D6. Vise, vise, ça c'était avant que mes parents se divisent. Oui, bien avant que le diable divague et se déguise. Le temps passe trop vite, mec, j'ai déjà 23 ans. J'rappe ma galère, mec, écoute bien et souviens-toi-en. Le temps passe, mais y'a une bande de potes qui restent amis. Des potes avec qui j'ai grandi 14 ans de ma vie. Les frères et sœurs grandissent, et les mi-fas s'agrandissent. En voyant que les grandissent, les petits sur la tisse bondissent. La vie va trop vite, pas le temps d'écouter ce que les gens disent. Quoi que t'en dises, de perdre un proche, c'est ma hantise. T'as vu, man, c'est l'océan Indien qui coule dans mes veines. Même si je suis séfrant, t'inquiète, je n'oublie pas le bled. Dédicace à toute la MIFA que je vois trop peu. Et ceux qui croient que je ne pense pas à eux, ils se trompent. Je te jure, je suis nostalgique, ici le temps passe trop vite. Tout le monde avance dans le même sens, pendant que moi je tourne dans le vide. Je suis triste car ma grand-mère que j'aimais tant est déjà partie. Depuis que t'es plus là, sache que mon cœur est un martyr. Écoute, je suis nostalgique quand je pense à l'adolescence. Le temps passe trop vite et ça depuis ma naissance. Méfiance, car la vie s'est prise comme du shit. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Faut profiter de la MIFA pour après ne pas regretter. Le temps passe trop vite et le mal ne cesse de guetter. Alors on vit nos vies sans profit, t'inquiète on profite. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Encore une sale année qui vient de se terminer. De bonnes et mauvaises choses à annoncer, c'est pour ça que j'ai terminé. Mais le temps passe trop vite pour relever tous mes défis. À 23 ans, pas le temps de te raconter tous mes récits. Je ne veux pas perdre une seconde et profiter de mon entourage. Petit et grand, parce que la mort peut t'emporter à tout âge. J'ai toute la vie devant moi, mais la ligne d'arrivée est peut-être sous mon nez. Je veux vivre à fond chaque instant, moi. Et ouais, j'attends un nouveau-né. Ici, le temps passe tellement vite qu'il s'est fait flasher. Moi, je fais du rap sensé, de sensé, donc pas tant de clasher. Pas besoin de sensé, mon moteur, c'est la passion. Je me fâcherai face au salon de facho, alors va chier. On a perdu trop de temps avec leur guerre, leur bordel. Maintenant, je veux profiter de ma femme, de ma fille et m'allonger au bordel. Mes parents m'ont dit, le temps passe trop vite, on t'a pas vu grandir. Et moi, je veux que le temps s'arrête parce que j'ai pas envie de les voir partir. Alors partons pour le temps que je ne vous consacre pas. Alors partons tous ensemble parce que la route est longue, mais le temps passe. Nous ne faisons que partie d'un cycle de vie que le temps consume comme un temps passe. Écoute, je suis nostalgique quand je pense à l'adolescence. Le temps passe trop vite et ça depuis ma naissance. Méfiance, car la vie s'est prise comme du shit. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Faut profiter de la MIFA pour après ne pas regretter. Le temps passe trop vite et le mal ne cesse de guetter. Alors on vit nos vies sans profit, t'inquiète on profite. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Je me rappelle de l'époque où j'étais jeune et innocent. Puis de la désillusion qu'on essuie en grandissant. Premier spliff incandescent, la crise, la descente. J'ai dû toucher le fond pour pouvoir renaître de mes cendres. Le temps passe trop vite, comme disait Chill. Face au ravage du temps, on a tous un talon d'Achille. Il faut réagir, prendre ses couilles et agir. Qu'est-ce que t'as à faire dès aujourd'hui, pense à ta famille. Je pense à chaque seconde, à chaque minute de ma vie. Chaque jour je le croque, car la mort frappe sans préavis. Et puis on tombe dans le vide, les années nous divisent. Des amis de longue date se font bouffer par le vice. Mais c'est pas grave, je me relève, il faut avancer. On sort plus fort des défis que la vie aime nous lancer. Les années qui s'écoulent nous font progresser. Je dois agir aujourd'hui pour ne pas regretter. Hiver comme été, le temps passe trop vite. Je n'oublie pas, t'inquiète pas, je profite. Au fait, au droit chemin je dois m'attacher. Je veux pas qu'on me salive quand on parlera de moi au passé. Écoute, je suis nostalgique quand je pense à l'adolescence. Le temps passe trop vite et ça depuis ma naissance. Méfiance, car la vie s'est prise comme du shit. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Faut profiter de la MIFA pour après ne pas regretter. Le temps passe trop vite et le mal ne cesse de guetter. Alors on vit nos vies sans profit, t'inquiète on profite. Le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Écoute, je suis nostalgique quand je pense à l'adolescence. Le